l'histoire de ma vie. Un combat sans délivrance. Un récit entre joie et souffrance. Et depuis ce jour-là, je sais qu'il y a un avant, un après. Putain, 30 piges passées, pas que du bonheur, mais bien assez. Pour que ma ganache soit bien levée, pour que mon panache soit bien resté. Mais subsiste ce doute, ce choix, vie me coûte. Vivre à l'écoute des autres et que dans 3 années on me cloute. On s'éclate, ces envies passagères, presque démoniaques. On risque de finir sur une fresque idolâtre. Par de petits morts, on recherche d'un mythe. Monté en quitte, la peur m'envahit. Mon insouciance me quitte, mais au final je suis qui? Une vie vaine de certitude, de dévaine. Malgré certaines similitudes, avec quiconque, l'obligation de me rappeler quiconque. Sortir du côté sombre que mes angoisses, je les affronte. Tout qui s'écroule, mais le désordre en toi. Si. Ta vie se déroule sans cesse comme un combat. Yeah. La fin dans le temps, dis-toi qu'il y aura un avant, un avant, un après. Tout qui s'écroule, mais le désordre en toi. Si. Ta vie se déroule sans cesse comme un combat. Yeah. La fin dans le temps, dis-toi qu'il y aura un avant, un avant, un après. Je refuse de me plaindre, même s'amuse de craindre. De penser sont confuses quand on s'amuse à m'atteindre. Même quand on est trop tendre, si on cherche à me défendre, même ça me fout les glandes. De personne je veux dépendre, je tiens à m'excuser auprès de mes proches si j'ai trop changé. Si mes paroles étaient dures, je les ai offensées. Même si offensées, difficile de me supporter sans m'enfoncer. Cette victoire seule, je veux la remporter. Tu sais que j'ai frôlé les cieux et seul, je sais que voir les larmes dans les yeux de ma mère m'a blessé. Aujourd'hui dur de dissocier une vie présente d'une vie passée. Désormais, il y aura un avant, un après. Le monde qui s'écroule, mais le désordre en toi. Si. Ta vie se déroule sans cesse comme un combat. Yeah. La fin dans le temps, dis-toi qu'il y aura un avant, un avant, un après. Le monde qui s'écroule, mais le désordre en toi. Si. Ta vie se déroule sans cesse comme un combat. Yeah. La fin dans le temps, dis-toi qu'il y aura un avant, un avant, un après. Je sais que j'ai du mal à dévoiler mes émotions. Jamais personne n'a su quelle était ma situation. Même si des fois je pense malédiction, aujourd'hui je vis avec ces mots sans rémission. Mais même si je souffre, je ne montre que des sourires, mes enfants, ma joie. Je me refuse de subir ce corps qui me pèse, ces regards que j'affronte, ces paroles, ces foutaises. Toutes mes gênes, toutes mes hontes, toutes mes peines, ces impuissances à l'appel que des forces récompensent. Et combien de rappels à l'ordre, mon âme meurtrie, insomnie. Trop de questions, des rêves entre parenthèses, trop de points de suspension. Le monde qui s'écroule, mais le désordre en toi. Si. Ta vie se déroule sans cesse comme un combat. Yeah. La fin dans le temps, dis-toi qu'il y aura un avant, un avant, un après. Désordre en toi, si. Ta vie se déroule sans cesse comme un combat. Yeah. La foi dans le temps, dis-toi qu'il y aura un avant, un avant, un après. Dans le temps, dis-toi qu'il y aura un avant, un avant, un après.